Chapitre 2. L'homme de la maison fermée. Salvert, jusqu'à ce moment, avait mené à bien l'entreprise difficile dont il s'était chargé. Les gardiens de l'hôtel du baron Walker n'étaient plus à craindre grâce aux narcotiques contenus dans le Johannisberg. Cependant, tout n'était pas fini. Il fallait s'emparer de la clé de la chambre de l'ami Fritz afin de pouvoir pénétrer par l'escalier secret dans la maison fermée. Il existait, il est vrai, un autre passage par la chambre à coucher du baron, mais il ne fallait pas songer à cette voie, car cette partie de l'hôtel avait été hermétiquement close depuis le départ du maître. L'ex-clerc n'avait donc qu'un seul moyen à sa disposition, c'était de fouiller dans les poches du valet de chambre et de lui prendre la susdite clé. Il prena délicatement les mains sous les vêtements de Fritz, et bientôt il sentit, dans la poche du côté gauche de son paletot, un corps dur qui lui fit l'effet d'être la clé convoitée. Avec autant de dextérité qu'aurait pu en mettre un pickpocket, il coula doucement sa main droite dans l'ouverture de la poche et y escamota l'objet. Il ne s'était pas trompé dans ses suppositions. Il tenait le sésame indispensable. À peine avait-il opéré la soustraction qu'un coup de sonnette se faisait entendre à la porte d'entrée de la grille. Salavert tira le cordon, prit un flambeau et sortit de la loge pour aller au-devant de celui qui l'attendait. Le docteur Cavarox venait d'entrer, mais il n'était pas seul. Derrière lui se tenait un jeune garçon qui, à première vue, accusait 16 ou 17 ans. Une jaquette noire faisait ressortir l'élégance de sa taille, son chapeau rebord étroit, crânement campé sur le côté gauche de sa tête, lui donnait un petit air tapageur qui ne manquait pas de grâce, et il agitait dans sa main droite un stick richement monté qui, à coup sûr, sortait de chez Verdier. L'ex-clerc de notaire, vivement surpris, se disposait à demander à Cavarox quel était ce garçonnet et pourquoi il l'avait amené avec lui, lorsque ce dernier prit la parole. « Vous avez la clé du passage secret ?» dit-il à Salavert. « Miss Colfax !» fit l'ex-clerc en s'inclinant. « Ah, si vous n'aviez point parlé, Miss, je ne vous aurais jamais reconnu sous ce costume. » Puis il ajouta, « J'ai la clé et les deux farouches cerbères ne se réveilleront que demain matin. » « Alors conduisez-nous bien vite là-bas, » reprit Flavia d'un ton résolu. Salavert, tenant d'une main le flambeau dérobé dans la loge du gros Suisse, monta l'escalier de service qui conduisait au logis de l'ami Fritz. Cet escalier était étroit et l'on ne pouvait marcher deux de front. Miss Colfax emboîta le pas de l'ex-clerc. Le docteur Cavarox fermait le cortège. Lorsqu'on fut arrivé au second étage, Salavert s'arrêta, tire de sa poche la clé qu'il avait escamotée et l'introduisit dans la serrure. Lorsque les trois personnages eurent franchi la porte et traversé deux pièces, Salavert s'arrêta, fit jouer le ressort qui mettait le logement de l'ami Fritz en communication avec le second corps de bâtiment de l'hôtel, et l'on se trouva sur un palier. « Sommes-nous arrivés ?» dit Miss Colfax. « Il nous faut maintenant descendre en étage, » répondit leur cicérone en éclairant le chemin avec son flambeau. Quand on fut parvenu au vestibule, Salavert, désignant Cavarox le vasistas que nos lecteurs connaissent, lui demanda s'il voulait entrer immédiatement ou s'il préférait voir d'abord le prisonnier sans être vu. « Je préfère observer, sans qu'il soupçonne notre présence, » dit le docteur. L'ex-clerc tira une gâchette et le vasistas s'ouvrit. Miss Colfax, usant de son double droit de femme et de chef d'expédition, avança la tête. Le prisonnier se tenait assis sur des coussins et terminait son repas du soir. Près de lui était un plateau d'argent sur lequel se trouvait placée une théière et une coupe du même métal. « L'étrange personnage !» fit Flavia, après avoir regardé le prisonnier pendant quelques instants. Cavarox regarda à son tour. « Cet homme, dit-il, quand il eut achevé son examen, est un chef de tribu caucasienne. Les traits de son visage et son costume ne laissent aucun doute à cet égard. » Le prisonnier, qui se croyait seul, leva les yeux vers la lampe suspendue au plafond et se mit à parler à haute voix. « Docteur, vous qui avez séjourné longtemps en Asie, comprenez-vous les paroles que prononce ce vieillard ?» demanda Miss Colfax à Cavarox. « Il adresse une prière au dieu du feu, » répondit le célèbre praticien, ce qui tendrait à démontrer que cet homme est un des derniers survivants de l'ancienne secte des Parsis. Lorsque le prisonnier eut terminé sa prière, il versa dans la coupe le breuvage que contenait la théière d'argent. C'était du café. Il porta ensuite la coupe à ses lèvres, la replaça sur le plateau, puis il parut éprouver une sorte d'extase. Le docteur avait suivi avec attention cette petite scène qui eût été sans intérêt pour tout autre, il en parut vivement frappé. L'effet que ce breuvage produit sur cet homme est des plus étranges, dit-il à mi-voix à ses compagnons. On jurerait à le voir en ce moment se trouver en présence d'un fumeur d'opium ou d'un mangeur de haschich. Cet état d'ivresse se prolongea pendant quelques instants encore. Puis les symptômes que Salavert avait constatés lors de sa première visite se manifestèrent de nouveau. Le prisonnier se leva brusquement. Il y avait de la menace et de la colère dans son regard. Bientôt il se prit à parler à voix haute. Gavarok s'écoutait avec un redoublement d'attention les paroles qu'il prononçait. Ces paroles, lentes d'abord, devenaient si pressées à mesure que la crise augmentait qu'il avait peine à en interpréter le sens. Enfin, le prisonnier tomba, terrassé par une attaque qui avait toutes les apparences de l'épilepsie, puis il s'évanouit. Miss Colfax, malgré son énergie virile, était en proie à une violente émotion. Salavert, qui avait autrefois assisté à ce terrible spectacle, ne bronchait pas. Le visage pensif du célèbre docteur indiquait qu'il cherchait le mot de l'énigme posée devant lui. « Que pensez-vous de tout ceci ?» lui demanda Flavia lorsqu'elle fut remise de son agitation. « Je ne sais qu'une seule chose, c'est que ce pauvre diable est fou, » répondit Cabarrox. « Sa folie est-elle naturelle ou le résultat d'un empoisonnement ? Je ne pourrais le dire. » « Ainsi, vous ne seriez pas éloigné de croire à un crime ?» reprit Flavia. « Je n'affirme rien. Il faudrait pour me prononcer sûrement que je puisse analyser la boisson qui a provoqué les terribles désordres dont nous venons d'être les témoins. J'ajouterai toutefois que d'après les symptômes qui se sont produits, j'ai cru reconnaître la présence d'un poison qui a joué et qui joue quelquefois encore un certain rôle en Orient. Et ce poison, comment l'appelez-vous, docteur ? Le poison des sultans. Le poison des sultans ? Oui, miss. Je vous expliquerai plus tard pourquoi il est ainsi nommé. Je serais curieuse de l'apprendre, mais dites-moi, parmi les paroles échappées à ce malheureux pendant son accès, avez-vous recueilli quelques utiles indications concernant Irène ? Il a répété plusieurs fois son nom et parlé d'un joyau précieux. La croix grecque, sans doute ? Je ne puis rien préciser. Mais comment le savoir puisqu'il est fou ? Si sa folie a été causée par l'empoisonnement seul, vous comprenez bien, répliqua Cabarrox, rien n'est désespéré. Je puis, à l'aide d'un spécifique dont le secret m'a été révélé en Orient, combattre le mal et rendre la raison à cet homme. Oh, si vous faisiez ce miracle, cher docteur, dit vivement Flavia. Mais il faudrait que j'eusse le malade sous ma main, et le temps aidant, je rallumerai le flambeau qu'on a voulu éteindre. Eh bien, qui s'y oppose ? Tout. Puisqu'il est enfermé ici. Alors il nous faut l'en faire sortir, repartit résolument Miss Colfax. Salavert, nous le savons, était par excellence l'homme des entreprises aventureuses, et la pensée d'escamoter le prisonnier lui souriait prodigieusement. Avez-vous une voiture ? Demanda-t-il à la riche héritière. Celle du docteur stationne à 10 pas d'ici, répondit Flavia. Alors rien de plus facile, miss, que d'exécuter votre projet. Les gens du baron Walker dorment à point fermé, et l'on pourrait dévaliser l'hôtel sans qu'ils s'en aperçussent. Mais une fois ce pauvre diable hors d'ici, dans quel endroit le transporter ? Cabarrox avait écouté en silence et réfléchissait. « J'ai loué à Passy une petite maison de campagne, dit-il. Nous l'installerons dans une pièce que je disposerai d'une façon à peu près semblable à celle-ci, et l'on ne viendra pas l'y chercher. » « Eh bien, entrons, répliqua le bouillant Salavert. Il ouvrit la porte de la chambre du prisonnier qui était toujours évanoui et se mit en devoir de le soulever de terre. Le docteur lui prit brusquement le bras. « Qu'est-ce ? » fit l'exclair. « Une fois transporté à Passy, qui veillera sur lui ?» dit Cabarrox. « Il nous faut un gardien dévoué, car la plus légère indiscrétion. »« Ne suis-je pas là, mon bon ? Mais les affaires de ton agence ? Ma principale affaire est celle-ci, au diable les autres !» Miss Colfax remercia Salavert par un regard plein de promesses monnayées. « Un petit coup de main, mon bon, » continua l'ex-clerc, « ce sera bien vite fait. »« Un instant, » dit le docteur, « n'oublions pas la théière d'argent, car il est très important que j'analyse les résidus qu'elle contient pour savoir si dans l'espèce il y a empoisonnement. » Flavia prit la théière et le flambeau que Salavert venait de poser à terre. « Miss, une dernière recommandation, » fit ce dernier. « Ayez soin de refermer la porte de cette chambre, afin que Fritz ne se doute pas de ce qui s'est passé ici cette nuit. » Cela dit, il prit le prisonnier du baron par la tête, pendant que Cavarox le prenait par les pieds, et ils remontèrent l'escalier, précédés de Flavia qui éclairait la marche avec le flambeau. Le reste de l'expédition s'accomplit le plus heureusement du monde, et Salavert, en passant devant la loge du Suisse, constata avec satisfaction que les dormeurs étaient dans la position où il les avait laissés. Comme il lui était impossible de tirer le cordon, ayant les deux mains occupées à porter l'homme toujours évanoui, ce fut Miss Colfax qui se chargea de ce soin. Au moment où il sortait de l'hôtel, 1 heure du matin sonnait à l'église Saint-Augustin. À quelques pas, la voiture du docteur stationnait sur le boulevard complètement désert. Le cocher était un de ces rares serviteurs qui agissent sans jamais s'étonner de rien et sans discuter les ordres reçus. Dès qu'il aperçut le petit groupe, il descendit de son siège et ouvrit la portière. Le malade fut placé sur la banquette du fond et Cavarox se mit à côté de lui afin de le protéger contre les cahots de la voiture. Miss Colfax s'installa sur la banquette de devant. « Montez-vous, » dit-elle à Salavert. « Je vous rejoindrai à Passy dans la matinée, » répondit-il. « Il faut que je reste ici pour achever la comédie commencée et dissiper tout soupçon, s'il s'en élevait contre moi. « Docteur, » ajouta-t-il, « l'adresse de la villa, rue de la Pompe numéro 2. »« Rue de la Pompe, » dit l'ex-clerc au cocher tout en refermant la portière. Celui-ci rendit aussitôt la main à ses chevaux, qui, fatigués de la longue station qu'ils venaient de faire, s'éloignèrent rapidement dans la direction de l'ancienne barrière de l'Étoile. « Allons à présent prendre quelques heures de repos, » se dit l'ex-clerc en rentrant dans l'hôtel Walker. « Quoique je n'ai pas goûté au Johannisberg, j'ai une envie formidable de dormir. » On voit d'après ses réflexions que l'agent secret de Miss Colfax savait faire chaque chose en son temps, et qu'il possédait cette solidarité de nerfs qui permet à ceux qui en sont doués de passer simultanément de l'action au farniente. Salavert, tout d'abord, se posa cette question. Où s'installerait-il pour achever tranquillement la nuit? L'ami Fritz et le grand Hermann, l'un la tête appuyée sur la table, l'autre sur le dossier de son fauteuil, ronflaient avec une sorte d'émulation. Cattle, mollement étendu sur le divan, continuait ses doux rêves. L'ex-clerc, estimant que lorsqu'il y a place pour un, il y a place pour deux, poussa avec précaution la dormeuse, se glissa auprès d'elle et bientôt ferma les yeux. Il faisait grand jour quand il se sentit secoué assez brutalement. Voici ce qui s'était passé. L'ami Fritz avait été passablement surpris en s'éveillant de se trouver sur un fauteuil dans la loge de Hermann. Après s'être retiré, il prit une carafe d'eau et s'en versa un grand verre. Cette fraîche douche interne lui éclaircit subitement les idées. La vue de ses compagnons endormis le rassura. Aucun d'eux n'avait échappé à l'action capiteuse des vins allemands. « Allons, » se dit-il, « il est temps de réveiller ces enragés dormeurs. » C'était alors que, prenant le bras de l'ex-faux cocher, il l'avait secoué aussi rudement. D'un bond, celui-ci fut debout. « Qu'y a-t-il » dit-il en regardant d'un air ahuri le factotum du baron. « Il y a, camarade, que nous nous sommes tous mis hier au soir dans les vignes du Seigneur, et que nous avons dormi comme des marmottes. Mais vous, mon gaillard, vous avez choisi la meilleure place. » « Ah !» fit Salavert, en regardant Cattle toujours plongé dans le sommeil. « Ma foi !» ajouta-t-il avec un air candide. « Je ne sais pas comment je me suis placé à côté d'elle. Ça a été sans intention, je vous le jure. »« c'est bon, farceur !» Mais assez causé. « J'ai ce matin une affaire pressée, je file. » Nous expliquerons en temps et lieu quelle était cette affaire si pressée. « Allez !» répondit l'ex-clerc. « Moi, je garderai la loge, car ils dorment de si bon cœur tous les deux, qu'il y aurait vraiment cruauté à les réveiller. »« Faites comme il vous plaira, » dit l'ami Fritz, en sortant de la loge après avoir tiré le cordon. Ce fut avec la plus vive satisfaction que Salavert vit le valet de chambre du baron sortir de l'hôtel, sans songer à se rendre à la petite maison fermée. Salavert s'assit sur un fauteuil, et il y demeura un quart d'heure. Au bout de ce temps, il se leva. Et comme Cattle et Hermann persistaient à dormir, il tira à son tour le cordon et il sortit de l'hôtel en se disant égoïstement « Ils s'éveilleront bien sans moi. Moi aussi j'ai mes affaires. » Une fois dehors, il gagna rapidement la cité bergère et trouva sa servante maîtresse occupée à préparer le déjeuner. Il fit un signe de tête en manière de bonjour et passa dans son cabinet afin de changer de toilette. Sa toilette achevée, il prit sa canne et son chapeau. « Vous sortez sans déjeuner ?» lui demanda Zénobie. « Oui. Et quand rentrerez-vous ? Je ne sais pas. » « Serez-vous aussi longtemps absent que la dernière fois ?»« C'est possible. Cela dépendra des circonstances. Encore des mystères. »« Tu es une folle !» répliqua Salavert. « Comment diable pourrais-je t'apprendre une chose que j'ignore moi-même ?»« C'est égal, monsieur, » dit la servante maîtresse. « C'est un drôle de métier que vous faites, depuis le jour où votre ami l'avocat est venu vous trouver. Ce monsieur Maxou aurait bien pu rester chez lui et ne pas vous débaucher. » Son patron, en entendant ces mots, partit d'un violent éclat de rire, puis il ouvrit la porte, descendit rapidement l'escalier, gagna le faubourg Montmartre et, arrivé au boulevard, il monta dans un remise. À cette question traditionnelle que lui adressa le cocher, « Où faut-il vous conduire, bourgeois ?» il répondit, « Rue du Rocher, près le parc Monceau. » Cet endroit se trouvait fort éloigné de la maison de campagne du docteur Cavarox, mais Salabert, un homme avisé, prenait toutes ses précautions pour qu'on ignorât où il se rendait. Parvenu à la jonction de la rue du Rocher avec les anciens boulevards extérieurs, il paya son cocher et monta dans le tramway qui va à l'Étoile. Une fois là, il prit une correspondance pour Passy. Il était 9h03 du matin lorsqu'il s'arrêta devant le numéro 2 de la rue de la Pompe.